En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan, le 7 juin au cinéma. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. En visite aux voisins, ils nous attendent pour le café. Salut! Il fait sec, ça va? Ouais, ça va. Ça va toi? Mm-hmm. Bah ça va, impeccable. Tiens, céréales, je sais pas où aller. Tiens, on bouge pas, je vais allumer. Ah bah tiens. Salut, ça va? Ça va toi? Comment ça va? Le complexe rural. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaël Gillon. Deuxième épisode, la maison au village et les voisins parisiens. Tu pourrais me décrire ce qu'on voit par vos fenêtres ? Bah, la forêt, une vallée, un cimetière, vu qu'on est sur le presbytère. Voilà, de l'autre côté, il y a l'église. On entend le clocher toutes les heures. Donc voilà, on est dans un fond de vallée, dans la Cure, dans la vallée de la Cure. Ça va commencer à prendre des couleurs au printemps. Ça va être super, donc on a du terrain, on a une belle maison qui est en travaux, qui n'est pas finie, qui est loin d'être finie, mais c'est top quoi. Quand je me suis installée dans la maison près de l'église, dans ce petit village typique du sud de Lyon, j'ai débarqué avec mes clichés et je me suis demandé comment m'adresser à mes voisins. J'étais persuadée qu'ils avaient grandi au village. J'avais peur qu'ils me prennent pour une parisienne. Depuis, on a bu l'apéro, j'ai appris que l'un d'eux venait de Sarcelles. Alors je leur ai révélé que j'avais grandi dans un bled, pas très loin d'ici. Ensuite, on a échangé pas mal de pieds de tomates, des plants fumiers et des bottes de foin. Et je découvre pas à pas l'étendue de leur indocile liberté. On vous dérange, en plus c'est le seul moment de la semaine où vous êtes tous les trois. Non, tiens, bah on a du monde à midi en plus. Donc, mais non, tu ne déranges pas. C'est le seul moment où on ne court pas, donc tu vois bien. Vous avez jusqu'à quelle heure, là, si vous avez des invités qui arrivent? Là, midi, quelque chose comme ça. Un petit peu avant, parce que Victorien, il va venir avant. Il y a son frère qui vient, tu sais. Et mon chef qui vient aussi, mon chef collègue. Ouais. Bon, on s'entend bien, donc du coup, il vient. Le propriétaire des lignes? Non, le chef de culture. C'est le chef de culture, c'est celui qui manage l'équipe, qui gère les plannings au niveau des traitements, au niveau du labour, enfin, tu vois, tous les travaux de sol, tout ça. C'est vraiment le chef de culture. C'est lui que le patron, il se décharge complètement sur lui, en fait. Voilà. C'est quoi ton boulot ? Ouvrier viticole. Et là, c'est la saison de pousse, en fait. Hein. Tout pousse à une vitesse pas possible. Elle peut prendre 20-30 cm en week-end. Donc là, ouais, t'adaptes tes horaires en fonction des saisons et de la météo, en fait. Voilà, tout bêtement. Et ça te plaît ? Ouais, t'es libre. Il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de voiture. C'est top. Ouais. Bah, t'es dans tes champs, en fait. T'es dans tes vignes. T'es vraiment tranquille. Mais c'est ça. Donc, qui t'a fait choisir ce métier-là, quoi. La liberté. Oui. Quand je suis venu dans la région, oui, j'étais électricien. Et oui, j'en pouvais plus, en fait. Bosser pour un gros groupe. Enfin, t'es un numéro, en fait. Donc là, ok, oui, t'es un peu moins payé dans les vignes. Mais il y a une liberté qui n'a pas de prix, quoi. Vraiment. Et si t'es venu vivre ici, c'est aussi pour la liberté ? Ouais. Ouais, bah, à 22 ans, j'en ai 39 là maintenant. À 22 ans, j'étais à Sarcelles, en banlieue parisienne. Je suis né à Villers-le-Bel. Bah, j'ai toujours vu mes parents dans une cage à poules, en fait, hein, dans les banlieues de Sarcelles. Et puis, bah, à 22 ans, il m'a dit, bah, écoute, va-t'en, quoi, essaye de trouver quelque chose. Tu peux pas rester là, c'est pas possible. Bah, j'avais pas grand-chose en poche, et puis j'ai dit, bon, bah, tiens, on va essayer. Puis, j'ai trouvé ici. On est venu ici, entre potes. Puis j'ai trouvé ça sympa, sauvage. Et puis voilà, quoi, c'est parti. Et tu t'es dit, ici, c'est le paradis, quoi. Par rapport à Sarcelles, hein, tu peux sortir à l'heure que tu veux, t'es pas obligé de regarder derrière toi. C'est pas stressant. Le plus gros bouchon qu'il y a, c'est trois voitures devant toi au feu rouge. Enfin, c'est... Et encore, quand il y a un feu rouge, il y a une petite rivière qui coule. Enfin, c'est... Mais bon, bah après, il y a la réalité qui te rattrape. Hein. T'es obligé d'aller travailler. Il y a la dureté de la campagne aussi qui te rattrape. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, ça n'a pas de prix, quoi. T'es vraiment tranquille. Hein. Benoît Coquart est sociologue. Il a mené une enquête dans la région Grand Est auprès de ceux qui restent quand les autres partent à la ville pour les études ou le travail. On sait que la ruralité, aujourd'hui en France, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est le mode de vie et l'espace le plus demandé. C'est-à-dire que la ruralité en France, elle se repeuple depuis plusieurs décennies. À chaque enquête d'opinion, quand on demande aux personnes où est-ce que vous vouliez vivre, ils choisissent le pavillon sans vis-à-vis, quitte à faire d'énormes concessions sur le fait de s'éloigner des centres, le fait de s'éloigner de leur travail. Et donc évidemment que ça, on ne le trouve pas au centre-ville, on le trouve dans le périurbain, ce qu'on appelle le périurbain qui s'étend de plus en plus, ou le rural. Et il y a vraiment une prime comme ça, l'idée d'avoir sa maison à soi. Et en plus, quand on demande aux Français, là, il y a un dernier sondage où ça dépassait les 90% de en fait, l'idée qu'on vit mieux à la campagne qu'en ville, c'est un lieu commun, quoi. C'est vraiment, tout le monde pense ça. Malgré tout, il y a certains espaces ruraux où, par exemple, on n'arrive pas à trouver de fonctionnaires pour les nommer sur place, où il y a un énorme turnover. On n'arrive pas, moi là où j'ai enquêté, là où j'ai grandi, on a du mal à retenir nos enseignants, nos fonctionnaires territoriaux. En fait, c'est pas des campagnes désirables. C'est pas l'ouest de la France, c'est pas le sud, c'est pas le massif central. C'est pas toutes les campagnes, soit dynamiques, soit contemplatives, en fait, marquées de tout un imaginaire positif pour certaines catégories de la population. Non, on est sur des grands champs de betteraves avec des zones industrielles, et du coup, voilà, ça ne fait pas rêver, et c'est plutôt des espaces aussi très conservateurs politiquement, voire réactionnaires, enfin, en tout cas dans le vote. Mais en tout cas, voilà, ça ne fait pas rêver, notamment les populations les plus diplômées. Au lycée agricole de La Brosse, près d'Auxerre, la majorité des élèves sont issus de familles paysannes. Quelques jeunes cependant viennent des villes, Auxerre et Sens, comme Enzo et Baptiste. Le lundi matin, quand on arrive au lycée, je vois les bouchons, moi je me dis, je vivrai deux jours dans Auxerre, c'est pas possible. J'imagine encore pas ceux qui vivent à Paris, parce que là, je ferais une demi-journée, ça serait... Je pourrais pas vivre ailleurs que chez moi. Je me lève le matin, il faut que 5 minutes après, je sois au travail ou quoi, mais... Ceux qui vivent à Paris, je pense quand même, je sais pas comment ils font, des fois pour le travail, il faut 1 heure de bouchon, de bazar. Moi, je pourrais pas vivre comme ça. Je sais pas comment ils font. Je les plains, mais c'est un train de vie. Il y en a que ça leur plaît, ils pourraient pas vivre chez nous, mais moi, je pourrais pas vivre chez eux. Il faut tout bouffer à monde, hein, comme on dit. Ouais. Bon, pour moi, la ville, c'est Paris, quoi. C'est là où il n'y a pas de champs ou des trucs comme ça. Et toi, t'aimes la ville, en fait ? Moi, oui, je préfère la ville qu'à la campagne. Je me sens chez moi dans la ville, alors qu'à la campagne, je me sens pas du tout chez moi. Je me sens... C'est pas mon milieu, on va dire. Moi, c'est pareil, je viens de la ville. Enfin, vraiment, au milieu des champs, c'est... On va dire qu'on est entre des 4 murs et puis qu'on peut rien faire. Bah... Les champs, moi je considère les champs comme une prison, quoi. C'est au milieu de nulle part, tu peux rien faire, il n'y a pas de magasin, tu vas te balader au milieu des champs, t'es sûr de croiser personne, quoi. Alors que tu vas te balader en ville, tu peux croiser des gens, des amis. C'est plus familial, je pense, la ville. Par exemple, pour faire ses courses, on se déplace à la ville. La ville, ça sert à beaucoup de choses, en fait. Alors que si tu vis dans la campagne, t'es forcément obligé de passer par la ville pour vivre, du coup. Jade est en première agronomie au lycée agricole de La Brosse, près d'Auxerre. Après, des fois, les Parisiens, Là, depuis le Covid, on a vu, il y a clairement une explosion de Parisiens qui sont venus dans les campagnes. Nous, donc, quasiment toutes les maisons secondaires ont été rachetées. Et avant, ils étaient déjà à eux, mais ils ne venaient quasiment jamais. Maintenant, les week-ends, des fois, juste pour 2 jours, ils peuvent être là. Au départ, c'était assez compliqué. Maintenant, tout le monde a réussi à s'intégrer. Mais c'était compliqué parce que des fois, les Parisiens ne voulaient pas forcément s'intégrer. Ou nous, on est chez nous de base et eux, juste, ils viennent une semaine. Des fois, on les dérange parce qu'on met de la musique. C'est déjà arrivé chez les meilleurs amis de mes parents. Ils ont des poules. Et leur voisin, il est là un mois dans l'année. C'est un Parisien et il a déjà râlé parce que les poules chantaient. Parce qu'il y a une rue où il y a une ou deux personnes qui habitent là à l'année, et sinon c'est que des maisons secondaires. Et l'été, des fois, c'est un peu le bazar, parce qu'il y en a, ils ont une piscine, donc quand ils mettent la musique avec la piscine, les vieux à côté qui sont en maison secondaire, ils viennent râler, enfin des choses comme ça, mais bon, à force on s'y habitue, et puis pour un mois, on ne dit rien, et voilà. Il y a quelques personnes accueillantes, et une minorité, et après... gravite autour des gens qui attendent de voir comment tu es, vraiment, qui sont sur la réserve. Et comme nous, en fait, comme nous aussi, hein, comme tout le monde, t'attends de voir, t'attends de connaître. C'est important pour toi de t'intégrer. Bah oui, parce que là, tu arrives dans un village où tout se sait, où les ragots vont très vite. Comme je te disais, tu arrives d'une ville où il y a 120 000 habitants qui habitent dans des cages à poules, où tout le monde s'en fout, parce que tout le monde va prendre son RER le matin. Les gens sont claqués, sont transformés en robots, en fait. Et là, t'arrives dans un tout petit village où chacun... où t'as la petite mamie qui regarde derrière ses rideaux et qui regarde la vie, enfin tout, qui regarde ce que tu fais, le moindre mouvement, tout ça. Parce qu'elle a que ça aussi, il faut le comprendre. Et du coup, c'est important de t'intégrer quand même dans un petit village. Pour ton bien-être, pour le bien-être des autres, c'est primordial. Si t'arrives dans un endroit où t'es pas aimé... Enfin, ça vaut pas le coup de rester, quoi. Il y a une humilité. Quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, où les gens ne te connaissent pas, tu peux pas prendre tout pour acquis, en fait. Mais tu en vois quand même qu'ils prennent les gens de haut. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé ici? Ça a été facile pour toi de t'intégrer, de t'adapter? Avec certaines personnes, oui. Bizarrement, pas avec les gens natifs du village. Avec Josie, qui tenait la petite boulangerie, et son mari, donc qui venait de Clichy, je crois, ou Saint-Ouen. Oui, bien sûr, il y a des gens super. Et bizarrement, j'ai été embêté avec des Parisiens. Des Parisiens. Les voisins d'à côté, c'était des Parisiens. Et on a eu des sacrés problèmes avec eux, d'ailleurs. Alors après, il y avait les gens du village aussi. Pas mal de gens du village qui étaient un peu sur leur réserve, qui voulaient attendre de voir. Des fois, ils regardent un peu de haut. Ils montrent qu'ils ont de l'argent, ils montrent qu'ils sont supérieurs à nous, sur certaines personnes, hein, pas tous, loin de là. Mais généralement, c'est les vieux bourges qui ont des maisons secondaires et qui montrent qu'ils ont de l'argent, qui montrent qu'ils sont là et qui sont intéressants. Enfin, leur carrure est différente par rapport à... Nous, on est plus détendus, à la cool, et eux, quand ils viennent, ils sont toujours très bien habillés, ils bombent toujours le torse, ils montrent toujours qu'ils sont là. Ça nous est déjà arrivé avec une copine, on était en train de se promener, et là, on croise, on sait que c'est des Parisiens, parce que ils arrivent, pour aller dans les chemins, ils arrivent avec leurs toutes belles chaussures, leurs nœuds papillons, la moustache, le chapeau, la petite canne, pour aller dans des chemins, quoi. Oui, ça m'est déjà arrivé de sortir, aider, filer un coup de main aux personnes du village dans les villes. Moi, je suis là avec un vieux Marcel, un short de rugby. Et puis, je lève la tête et puis je vois croiser du monde que j'ai pas l'habitude de voir. Donc oui, des fois, c'est des gens de la ville ou même qui viennent pas d'ici, qui sont en polo, avec un beau pantalon et des mocassins aux pieds. On rigole un petit peu, puis voilà. Et il y en a, on va voir, qui sont de la campagne parce qu'ils mettent des habits que des gens de la ville, je pense, ils auraient honte de mettre. Et que, par exemple, moi, j'ai une veste large. Oui, puis c'est une marque de tracteur. Et je pense qu'un quelqu'un de la ville qui s'y connaît pas, il mettrait pas cette veste. Il y en a un petit peu qui sont dans la ville extrême, on va dire. On voit qu'il y a au lycée, quand il y en a qui sont en survêt et tout, Tout de suite, on se dit, bah tiens, lui, il est de la ville. Bah, j'aime pas trop cette tenue, moi. Pour moi, c'est jean. Jean ou rien, parce que le survêt, je trouve que c'est pas trop un vêtement, c'est pour faire du sport. Quand on travaille, moi, c'est. Bah, déjà, c'est rare que je mette des joggings, mais j'ai jamais mis de jogging pour travailler. Mais c'est pas pratique? Bah, c'est large. Donc, on peut s'accrocher, ça arrive qu'on s'accroche. Bah, par exemple, on passe trop près de boîtes palettes ou des choses comme ça, on peut s'accrocher dans des clous, dans des barrières. Donc, on va pas dire que c'est très pratique, quoi. Comme protection de moto, c'est même conseillé un jean, donc c'est assez solide comparé à un jogging. Bah, les joggings, c'est pour les petites fiottes, quoi. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est pour les tapettes, quoi. Ouais, c'est des peureux. Les petites natures. Être en survêtement, c'est être une racaille pour eux, je pense. Ouais. C'est alors ça. Que pas du tout. Moi, j'étais à Sens la dernière, et plein de gens en survêtement, et pas forcément que des racailles. Donc ça veut rien dire. Mais bon, eux, c'est comme ça qu'ils voient. Ils sont trois, on est 300 ici, donc... Enfin, on est 300. Ils ont rencontré que 300 personnes. À Sens, il y avait combien? 3600 à peu près, ou je sais plus. On n'a pas la même pensée, en fait. Des fois, ils se moquent de vous? Non. Non, c'est... impossible, quoi. De temps en temps, ils aiment bien tailler, mais bon, nous, après, on riposte aussi. On va pas passer se tailler comme ça. Par exemple? Quand on fait des dégradés, une coupe à la ville, là, c'est normal. Ici, ils vont te critiquer automatiquement parce qu'ils ont des mulets. C'est court sur les côtés. Au-dessus, il y a un peu plus de cheveux. Et puis derrière, c'est beaucoup plus long que partout sur la tête. Puis c'est des gens comme ça qui critiquent ton dégradé. Alors bon, pas se mentir que le mulet, c'est 10 fois pire. Il n'y a que à la brosse que tu peux voir des gens avec des mulets, je pense. Ils aiment trop cette coupe. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a du mépris, de la moquerie? Est-ce que vous pensez des choses les uns sur les autres? Ah ouais, ils pensent que les gens qui viennent de la ville vraiment, vraiment la ville, quoi, c'est forcément des personnes qui viennent de la cité, alors que la ville, c'est pas forcément la cité. Du coup, bah, ça s'appelle les mecs de cité, ça leur fait plaisir. Alors que la plupart, bah, ils sont dans leur ferme, là, ils s'occupent de leurs vaches, de leur terrain, et puis voilà. Ils savent pas vraiment ce que c'est la ville. Peut-être pour faire les courses, puis je sais pas. Font pas grand-chose, à mon avis. C'est tout. Sinon, ils sont chez eux et puis ils bougent pas. Après, c'est pas de la moquerie. On prend pas ça mal. Sinon, je pense qu'il y aurait eu plein d'histoires si on prendrait ça mal. On leur répond, mais... On prend pas ça mal. Et puis au bout d'un moment, on s'habitue. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici. Je me suis habitué, quoi. C'est... On peut que faire ça, de toute façon. Comment ça s'est passé, votre installation ici avec Cyrielle? Alors, moi, je suis arrivé tout seul ici. Et donc, j'avais une toute petite maison dans le village que j'avais acheté, une bouchée de pain, le prix d'une voiture, petite voiture. Ouf, il y avait tout à refaire. Je l'ai rendue habitable, j'ai mis 2 ans pour la rendre habitable. Et en 2007, quand elle était habitable, je me suis dit, bon, bah, je me lance, je change de vie, je cherche un boulot ici. Et c'est là que je suis tombé sur ma boîte qui existait ici, en fait. Donc j'ai réussi à avoir une mutation. Et ça a duré jusqu'en 2013, parce qu'en 2013, on a été en licenciement économique. Voilà. Et donc c'est là qu'en 2013, je suis parti dans la vigne. Voilà. Et donc ma rencontre avec Cyrielle ici, Cyrielle, c'est la fille d'un ancien collègue. Puis ben voilà, on a voulu un peu plus grand et on a racheté une ancienne maison dans le village. Voilà. Bah, devenir propriétaire, c'est une forme d'accomplissement. Benoît Coquart, sociologue. On m'avait dit plusieurs fois, si t'es pas propriétaire, t'es pas chez toi. C'est-à-dire que louer chez quelqu'un, en plus on connaît son propriétaire quand on habite en milieu rural, c'est pas comme en ville. Hein. Voilà, en gros, c'est généralement le voisin qui a la maison d'à côté. Y a cette idée qu'on n'est pas autonome dans ce qu'on fait. Devenir propriétaire d'une maison, déjà, ça représente quelque chose auquel on peut aspirer en milieu rural quand on est jeune. Parce que, près d'Avallon, il y a des maisons, ça commence à 30 000 euros, j'imagine. C'est en mauvais état. Mais si vous avez déjà un peu de compétences, ce que généralement vous avez, si vous avez grandi là, que vous avez envie de vivre là, c'est très certainement que vous savez retaper une maison aussi. Et très certainement que vous avez des potes, et un beau-père, et une famille, etc., pour vous aider à récupérer des matériaux, à venir filer un coup de main. Donc ça représente aussi de mobiliser et de montrer que vous avez des gens autour de vous pour vous aider. et que d'une certaine manière, vous y aspirez parce que vous êtes légitime à avoir votre maison, parce que aussi vous savez la faire, vous savez la retaper, vous savez la construire. Ensuite, la maison, l'acquérir, c'est prendre une place concrètement, moins, je dirais, qu'avant dans la société villageoise, mais dans l'interconnaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un chez-soi, on peut recevoir, on peut être l'hôte des sociabilités. Et si on veut être considéré, il faut pouvoir recevoir, s'impliquer dans toutes ces sociabilités hyper intenses qui caractérisent aujourd'hui la vie rurale de ceux qui restent, quoi, de ceux qui sont du coin. Et donc avoir sa maison, c'est vraiment l'idée de s'accomplir. Ça passe forcément par là. Et il y a vraiment des gros enjeux autour de ça. Et moi, je m'intéresse beaucoup aujourd'hui, donc je suis en train de commencer une enquête là-dessus, sur l'accession à la propriété des jeunes ruraux, et aussi sur ceux qui se voient de plus en plus prendre de distance vis-à-vis de leur métier salarié, où il n'y a pas une grande perspective d'ascension sociale, on va dire, et ils ont tendance à de moins en moins se contenter de ça, parce qu'il y a des modèles de consommation. Par exemple, on veut une maison, beaucoup des jeunes que je suis, qui sont de milieu ouvrier ou quoi, veulent une piscine dans leur maison, vu qu'ils savent la construire, ils peuvent la creuser, etc. Donc il y a une diffusion en fait de normes bourgeoises dans l'habitat. On veut une grande baie vitrée, avec un grand salon ouvert, une cuisine à l'américaine, un intérieur qui claque, comme disent les jeunes, où on peut recevoir. Et tout ça, ça fait que on investit non seulement beaucoup dans la maison, mais aussi on voit la maison comme un mode possible d'enrichissement. C'est-à-dire on se dit, vaut mieux travailler moins, essayer de retaper plein de vieilles maisons, les revendre à éventuellement des Parisiens qui viendraient, avec toujours la figure du Parisien qui serait un peu naïf, quoi, qui viendrait acheter trop cher un bien qu'en vaut moins. Enfin voilà, la bonne poire du Parisien. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'on peut s'enrichir comme ça, par la maison, y compris par la revente de son propre logement. Et que tout le travail qu'on met dedans, tous les risques qu'on prend aussi en la refaisant, ça vaut le coup. C'est une stratégie de vie qui est payante et qu'il faut être propriétaire. Et que là-dessus, on gagne vraiment par rapport au modèle de vie des jeunes urbains. Qui vont, eux, être en location longtemps, dans des petits apparts. J'ai toujours dit que quand j'aurai mon jardin, je courrai à travers de mon jardin les fesses à l'air, toute nue, quoi. Et du coup, quand on a acheté la maison, pas longtemps après, c'est ce que j'ai fait. C'était en friche, moi je ramassais les prunes, il y a un vieux prunier qui est en train de rendre l'âme dans le jardin, et il donne à foison chaque année, et j'étais en train de ramasser les prunes et je la vois débouler à poil. Voilà, mais seulement il y avait Daniel, il y avait le voisin à sa fenêtre, mais bon, il a déjà vu... Il a déjà vu des fesses. Voilà. Et t'avais toujours rêvé de ça ou c'était d'avoir une maison? Ouais. Quand on a signé, c'était à nous. Tu vois, on pouvait se projeter pour... je sais que moi, je me projetais pour fonder une famille. C'était notre maison, tu vois, notre cocon, à nous, quoi. Rien devoir à personne, tu vois, faire ce qu'on voulait, vraiment ça. Oui, la liberté, hein, en quelque sorte, ouais. Depuis toute petite, j'ai toujours dit... je fais les études parce que t'es obligé d'aller à l'école. J'ai fait mon apprentissage, j'ai eu mes diplômes. Je voulais un travail, une maison, des enfants. Quoi, dans cet ordre-là. Comment ça s'est passé quand t'es arrivé ici, ton intégration professionnelle ? Pas très bien, il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie parce que j'arrivais avec mes acquis de Paris. Il y en avait un qui avait 25 ans de boîte et qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs. Mais j'arrivais avec des acquis qu'ils n'avaient pas, eux. Donc du coup, ça a créé pas mal de conflits, beaucoup de jalousie. C'est-à-dire que t'étais beaucoup plus payé qu'eux ? Ouais. On avait des taux horaires, alors je sais pas pourquoi, mais on avait des taux horaires beaucoup plus conséquents sur Paris. Des gens ici qui avaient 20 ans de boîte stagnaient à 1400, 1500 euros, alors que nous, c'était notre tarif d'embauche, quasiment. Et ça a créé quand même pas mal de tensions. Mais ça s'est estompé avec le temps. Et justement, je me suis servi de ces acquis-là pour leur dire qu'ils pouvaient avoir plus. Donc on s'est battu, on a fait... grève, on a fait voilà, donc, et ils ont réussi à obtenir quelque chose qu'on avait eu sur Paris, quoi. Je pense que ça aurait pas été le cas si j'avais pas mis un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Et une famille où ils doivent être 5, ils sont à peu près de notre âge, ça va de 13 ans à 19-20 ans, donc ça reste dans nos âges et où on traîne avec eux. Tous les étés, ils viennent avec nous, ils jouent au foot, ou on attend leur. Même pendant les vacances, des fois le septembre ou ou Avril, etc. Ils sont, hein, ils viennent aussi. Et c'est nos amis, on les accueille les bras ouverts, au contraire. Eux, ils nous aiment aussi, ils viennent pour nous. Il y en a, ils ont des études, mais ils trouvent quand même des vacances pour venir avec nous. On va jouer au foot, des choses comme ça. Et... ils sont pas si différents que nous. Donc, je sais pas comment ils sont en ville, mais quand ils sont avec nous, ils font pas les précieux, ils font pas les maniérés, ils sont comme nous. Mais on sait que ils sont différents de nous sur certains trucs. Ils aiment bien ramener leur ballon marque ou des choses comme ça. Ils aiment bien dire venez chez moi, on fait des soirées, je paye tout, laissez tomber, je paye toutes les pizzas. Au final, c'est très gentil, hein, mais on voit que voilà, nous, c'est chacun amène son pique-nique, on partage et puis voilà. En fait, le marqueur, c'est vraiment l'argent, quoi. Ça joue beaucoup. On dirait qu'en ville, tout leur est dû, que tout est beau, le monde va bien. Par exemple, à 15 ans, nous, en campagne, on travaille déjà. Qu'en ville, les adolescents de 18 ans, ils sont l'été, le canapé chez eux, en train de regarder la télé. Je dirais que nous, dans le monde du rural, on est nés comme ça, on est nés à travailler un peu, à toujours être dehors, sortir. Être débrouillard, oui. On peut dire plus que ceux de la ville, en tout cas. Pour notre part, je pense, on est plusieurs personnes ici à savoir couper du bois avec une tronçonneuse, savoir, par exemple, construire un mur, c'est un exemple. Conduire une voiture, je pense tous qu'à 15 ans, on sait conduire la voiture. Conduire un tracteur aussi. Moi, par exemple, à 13 ans, j'avais déjà le tracteur sur la route tout seul et je travaillais. On a plus de responsabilités à la campagne qu'à la ville. Parce que, enfin, je parle pour ceux qui sont nés dans le monde agricole, quoi. On a des engins à plus de... milliers d'euros dans les mains tout jeune âge, quoi. En ville, je pense, donner une perceuse à quelqu'un et faites-lui de percer un trou, il y en a des fois, ils n'y arriveront pas. Ils ne les feront pas droit, les trous. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je sais pas, on dirait dans les Encore, villes... Encore, tu m'aurais dit dans Paris, dans les cités, je veux bien te croire. Mais là, non, en vrai, sur Auxerre... C'est pour ça qu'on parle de la ville en général, Alexis. Oui, mais bon, non, En campagne, on travaille plus à faire nous-mêmes qu'en ville, qui font appel à des entreprises et tout, pour faire leurs besoins ou leur maison, par exemple. Je pense qu'en campagne, on travaille plus, comme on dit, au black, et faire nous-mêmes. Souvent, un campagnard, comme on dit, c'est têtu. Hein, et ça veut toujours tout faire tout seul, ou avec l'aide de ses amis campagnards. Le complexe rural, pour vous, est-ce que ça existe ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par complexe rural ? Benoît Coquart. C'est de dire que les gens qui habitent en milieu rural sont complexés d'y vivre. Moi, j'ai écrit contre ça, enfin contre cette idée-là. En fait, on a souvent une vision assez misérabiliste des campagnes parce que c'est une vision qui est urbano-centrée, c'est-à-dire qu'on dit on va définir la campagne par rapport à ce qui lui manque vis-à-vis de la ville. Donc évidemment, une ville, c'est pas organisé comme une campagne. Il n'y a pas la même offre culturelle, notamment le même marché de l'emploi. Forcément qu'à la campagne, il n'y a pas tout ce qu'il y a à la ville. Mais en gros, même dans des espaces où on a des indicateurs qui vous disent que voilà, ça ne se passe pas bien, il y a peu de perspectives d'avenir, notamment pour les jeunes, quand on va les voir, quand on vit avec eux, quand on voit qu'est-ce qu'ils font de leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire après, en fait, ils veulent rester pour l'écrasante majorité d'entre eux. Et en plus, quand on regarde un petit peu leur vie quotidienne, ils ont tendance à avoir une vie sociale très intense. Voilà, ils n'ont pas l'impression, eux, d'être à l'écart du monde et oubliés par qui que ce soit, parce que le centre de leur monde, il est là où ils vivent. Et c'est plutôt les grandes villes, voilà, Paris, on pourrait en parler des heures, parce que ça fait vraiment la figure de repoussoir du modèle de vie antinomique vers lequel on ne veut jamais se tourner. C'est Paris, jamais de la vie. Moi, c'est la phrase que j'entendais très souvent dès que en fait, je leur expliquais où j'habitais à l'époque où j'avais commencé mes recherches. Et où ils me disaient que voilà, pour eux, la vie, elle ne valait pas d'être vécue là-bas parce que personne ne te connaît et, sous-entendu, personne ne te reconnaît. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui est un ouvrier, typiquement, hein, mais personne que je suivais, un ouvrier peu diplômé, mais qui a commencé à travailler à 16 ans, qui, le samedi et le dimanche, travaille aussi au black, comme on dit, de façon informelle, pour se faire un bon complément de salaire, qui a été rapidement propriétaire de sa maison, qui s'est marié, qui a des enfants, qui coche un petit peu toutes les cases de l'homme accompli, ça vaut aussi pour les modèles féminins, hein, mais qui sont un petit peu différents. Bah pour lui, en fait, il n'aurait pas pu s'accomplir comme ça dans une ville comme Paris, où ses homologues, les gens comme lui, de sa classe sociale, et ils sont relativement anonymes, ils reprennent le RER pour aller habiter à 30 km de là où ils ont bossé. Ils ont tendance à être de plus intérimaires qu'en CDI, avoir beaucoup moins d'opportunités et d'autonomie dans leur travail. Voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça. Il y a aussi que, en gros, les modèles de réussite, en tout cas d'accomplissement juvénile, vraiment pour la jeune, à la campagne, et notamment dans les campagnes en déclin, parce qu'il y en a d'autres qui sont très gentrifiées, des campagnes. Dans ces campagnes-là, c'est des modèles qui sont plutôt initiés par les classes populaires, et par, en tout cas, les travailleurs manuels. C'est-à-dire que entrer comme apprenti, être ouvrier du bâtiment ou être vendeuse en boulangerie, c'est des carrières en fait qui peuvent vous amener à avoir une vraie reconnaissance sociale de par votre travail et dans les autres scènes du village. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est considéré comme un bosseur, vous serez aussi respecté par ailleurs, je sais pas moi, sur le stade de foot, au comité des fêtes, à l'école de vos enfants. Et tout ça se tient et permet en fait des espèces de contre-modèles d'accomplissement qui du coup, moi je trouve qu'ils battent un peu en brèche l'idée de ne pas assumer, de ne pas être fier de ce qu'on est en fait. Et ils arrivent justement à adopter des contre-modèles vis-à-vis de ce qui domine à l'échelle nationale. Et moi je trouve que c'est un bon exemple d'une forme d'autonomie des perspectives d'avenir, une forme d'autonomie culturelle en fait, qu'on peut retrouver en milieu rural, qui pour moi n'est pas que rural, mais qui tient au fait qu'on a des formes relatives d'entre-soi, des catégories populaires, des classes populaires. C'est-à-dire que quand vous habitez en ville, si vous avez peu de diplômes, si vos parents appartiennent, enfin sont dans des métiers d'exécutants les moins valorisés, les plus pénibles, etc., vous avez tendance à être écrasé en fait par la réussite sociale, le prestige symbolique qu'on donne en fait aux autres catégories sociales. Alors que quand vous êtes dans un endroit où tout le monde autour de vous est plus ou moins ouvrier, où en gros les riches du coin c'est une petite bourgeoisie économique qui est constituée de petits patrons qui souvent eux-mêmes ont été ouvriers avant, enfin voilà, bah, tout ça en fait vous amène à avoir beaucoup plus confiance en ce à quoi vous prétendez et à beaucoup moins vous sentir pour le coup inférieur aux autres. Donc il y a un renversement de la table des valeurs qui fait que on n'est pas jugé sur les mêmes types de compétences et de savoir-faire et que tout ça ça a tendance à faire une petite révolution symbolique dans les hiérarchies entre les gens quoi, enfin, dans les hiérarchies symboliques en tout cas. Plus tu remontes sur Auxerre, je trouve, Auxerre, Sens, tu commences vraiment sur Sens à avoir la mentalité un peu parisienne. Désolé, mais ouais. Même avant Sens, des Joigny maintenant. Tonnerre, c'est pareil, hein, ça commence. C'est quoi cette mentalité? Bah, c'est froid, quoi. Supérieur. C'est froid, ouais, il y a une condescendance. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le mot, je trouve. Tu sens que toi, t'es de la campagne, quoi. Tu sens que t'es bouseux. Voilà, pour eux, t'es un bouseux. Mais à quoi tu le sens? La façon qu'ils ont de te regarder, de te parler. Il y en a qui nous l'ont déjà dit. Hein. Tu vois, moi, j'étais au CFA sur Dijon. Quand je leur ai dit que j'habitais Arcy-sur-Cure, ça y est, ils me voyaient avec des bottes, un chapeau de paille, une salopette, quoi. Tu vois. Mais dès qu'ils savent pas, en fait, le nom de ton village, ça y est, tu vois, ils t'imaginent comme ça. Des pécores, des bouseux, des paysans, des... Moi, ça m'atteint pas, donc c'est pas grave, mais... Ils le savent qu'on vient de la ville et on sait qu'ils viennent de la campagne sans qu'on se parle. Ils ont certaines expressions, on peut savoir qu'ils viennent de la campagne. Ouais. Vin Dieu, par exemple, ça c'est une expression. Pour moi, ils viennent de la campagne quand ils disent ça. C'est-à-dire quoi? Peut-être quand ils sont choqués, ils font les personnes choquées, ils disent Vin Dieu ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est souvent que c'est. Entendu plusieurs fois depuis le début de l'année. C'est l'accent Morvan Dieu, je crois. Mais c'est pas tout le monde après, mais il y en a qui ont des accents en cliché, voilà, on va dire. Ils prolongent leurs mots. Ils restent sur une lettre pendant longtemps, et puis après ils finissent leurs mots. Ça fait un peu un accent au bout d'un moment. Que... Par exemple, on a fait un spectacle au lycée, et pour caricaturer ça, et ben, ils ont tous fait un accent sur des scènes et tout ça, ils ont fait des accents comme ça, et ça a fait rigoler tout le monde. Après. Moi aussi? Ouais. Non, c'est pas vraiment le même humour. Oui, ils peuvent rigoler sur une chose que nous, ça ne fera pas rire. Et puis nous, on peut rigoler sur une chose, pareil, ça les fera pas rigoler. Quoi. On nous le dit qu'on ne comprend pas, mais c'est comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Louis causait, je savais qu'il y avait des gens que derrière le micro qui n'allaient pas comprendre ce qu'il allait dire. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Ben, c'est pas de la honte, mais... Oh non. Mais la c'est fierté. Pas de la honte, c'est de la... Ben, entre la honte et la fierté, presque. Parce que il y a les deux. Pour moi, c'est de la fierté, parce que au moins, ils savent d'où que je viens, puis je suis fier de dire d'où je viens, puis de porter mon accent, quoi. Il y a des fois, on a presque peur de parler du monde, parce qu'on a peur qu'ils ne comprennent pas, mais bon, c'est comme ça, après. C'est la vie. Qu'on est seul face à plein de monde, oui, c'est limite ça. On les voit supérieurs à nous parce qu'on a l'impression qu'ils causent bien, c'est carré, c'est que nous, c'est, ben, on cause comme on cause chez nous. S'ils me font répéter ce que je dis plutôt, ben oui, ça fera limite autour de la fierté, ça fera de la honte, quoi. Même sans les mots, quoi. Bah, l'accent, quoi. Ah oui, l'accent de la puisée, du Morvan, du tout ce qu'on veut, mais c'est pas du tout le même accent. Il y a plein de gens qui comprennent pas ce qu'on dit, mais nous, c'est pareil dans l'autre sens, si on veut. Par exemple, nous, on a une expression, on dit mal à vous, ça veut dire où on va, quoi. Par exemple, je vais dire je vais là-bas. Et puis quelqu'un d'autre, il va répondre mal à vous. Et puis, ça veut dire tu vas où? Ça vient du Morvan, de chez moi. Bah, j'habite à Magny, à côté d'Avallon. C'est aux portes du Morvan, mais j'ai ma grand-mère. Elle a grandi dans le Morvan. Du coup, bah, quand j'étais chaud, j'allais un peu dans le Morvan, près de Carré-les-Tombes. Du coup, bah, j'allais un peu, quoi. Du Morvan à Puisé, c'est pourtant pas loin, mais... On n'utilise pas tout à fait les mêmes expressions. Bah ouais, une haie, on dit une pièche, ou une piéchie, ou une sarvée. Puis, par exemple, chez nous, en Puisé, on va dire une bouchue. C'est une bouchue, ouais. Ben, une haie, quoi. Chez nous, on dit, ben, oui, et puis, il y en a d'autres, ils font, ils font bari, quoi. Ouais. Puis, ils accentuent sur le bari, quoi. Ils font bari, quoi. Bah, on sait que chez nous, on parle comme ça. On aime bien représenter le coin qu'on est. Par exemple, on habite en Puisé avec Grégoire. Et dans Lyon, pour moi, c'est une fierté d'habiter dans Lyon ou même en Puisé. C'est là que j'ai fait mon enfance. C'est là que je crée des souvenirs dans ces coins-là. Là, si on va faire un tour de la Puisé, à plein d'endroits, je vais pouvoir avoir des souvenirs, des choses que j'ai fait quand j'étais petit. Ouais. Par exemple, on va passer sur cette route-là, on va dire, tiens, ici, il m'arrivait telle chose. Ou... En fait, le paysage, il raconte votre vie. Voilà. Ouais, on va voir, mettons, de cet arbre-là, j'ai dormi un coup, on sait pas, c'est comme ça, c'est inexplicable. On était l'ancienne école, les anciennes écoles rurales, où en fait dans une seule salle, une seule maîtresse, il y avait du niveau grande section jusqu'au niveau CM2. Notre école maintenant n'existe plus, parce qu'en fait c'était l'éducation nationale qui voulait fermer les écoles rurales, alors que maintenant ils veulent les réouvrir, c'est très drôle. Bon, il y a des générations et des générations sur cette école, donc quand on apprend que du jour au lendemain elle va fermer, c'était on a nos meilleurs souvenirs, c'est là où on a vécu, où on a grandi. Il y a eu beaucoup de choses de fait pour essayer de garder cette école, de manifester, etc. Ça n'a malheureusement pas marché. Pourquoi, à ton avis? Je pense qu'ils avaient pris la décision déjà en avance et qu'on pouvait faire quoi que ce soit. Je pense que ça n'aurait pas suffi. Prison? Au-dessus, dans sûrement... La politique, l'éducation, j'en sais rien, mais ceux qui gèrent tout ça, vous avez sûrement pris la décision. Il y a sûrement eu du mépris là-dedans. Parce que ils essayent pas de se mettre à notre place et de comprendre. Ils nous écoutaient, voilà, parce que Ils ont forcément entendu parler de nous. Ils ont été faire une manifestation au conseil général. Ils ont fait venir les journalistes. Ils avaient fait semblant de séquestrer la maîtresse. Il y avait la police qui était venue. Donc ils étaient obligés d'avoir entendu parler de nous. Mais ils n'ont pas essayé de comprendre. Ils ont dit c'est comme ça, c'est comme ça. En gros, taisez-vous et c'est, vous n'aurez pas le choix. Et ça, vous avez ressenti quoi alors? Moi, j'ai été très blessée. Bah, ma maman aussi, je pense qu'elle a été très blessée. La maîtresse en a pleuré. Quand on a su ça, on a fait dans la cour de l'école une sorte de un rassemblement du village où tout le monde a connu cette école, un rassemblement du village où on a brûlé un cercueil. Tout le monde pleurait quasiment. Et c'était très triste parce que bah, tout le monde aimait cette école. Tous les enfants du village étaient là-dedans, même ceux un peu des alentours. En vrai, même chez les enfants, il y avait de la colère. Les enfants, les adultes, de l'incompréhension, de la colère, de la tristesse. En plus, c'est au milieu du village, donc couper tout ça, j'étais mal de voir ça. J'imaginais un peu comme si l'école partait en flambeaux, en poussière. On s'est senti écrasé en fait par tout ça, comme si on valait rien. Ouais, je trouve le bourguignon un peu dur. Ici, ils sont un peu renfermés. Je trouve que le bourguignon, c'est un peu... Et plus tu vas dans les petits villages, dans les petites contrées reculées, genre le Morvan ou la Puisée, tu vois en fait que tu... Ouais, tu déranges en fait. Ils n'ont pas envie d'être embêtés. Il y en a certains qui sont quand même délaissés dans leur campagne. Hein. Tu prends certains agriculteurs, certains fermiers, et en fait, ils ont envie d'être tranquilles. Ouais. Ils ont envie de cette tranquillité. Ouais. Délaissé, comment ça ? Pas entendu ou pas écouté. Il y a des zones vraiment sinistrées. Nous, on a la vigne pour nous aider. On n'aurait pas la vigne. Lyon, ça serait pas grand-chose. Hein. Il y aurait rien. Ça vaudrait pas grand-chose, Lyon, hein, sans la vigne. Hein. Et ça se traduit comment alors ? Est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, vous, quand il faut que vous alliez chez le médecin, comment ça se passe ? Bah, il n'y en a pas. On connaît des gens du village qui remontent sur Paris pour se faire soigner. Tout gravite autour de Paris. Moi, ce que je pense, c'est que tout est médiatisé, tout est fait pour parler de Paris et pas des campagnes, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Si ça va mal à Paris, ça va mal partout. Si ça va bien à Paris, ça va bien partout. Tout se passe alors comme si, d'un folklorisme à l'autre, la représentation idéalisée des communautés villageoises de jadis avait laissé la place à deux représentations opposées des habitants de ces espaces ruraux en déclin. Soit un récit misérabiliste du style de vie des prétendus beaufs racistes qu'on retrouve plutôt à gauche, soit une ode à ladite France oubliée, périphérique, qui incarnerait d'une certaine manière le vrai peuple à défendre qu'on retrouve plutôt à droite. Ce qui reste... Benoît Coquart. Pourquoi, à votre avis, dans les médias, il y a ces représentations négatives des campagnes ? C'est pour inciter aux personnes qui sont en campagne de venir en ville, pour dire entre guillemets, en campagne il n'y a rien, en ville il y a tout, venez. C'est ça que ça veut dire. Autrement, pourquoi ils le font ? Bah, à mon avis, c'est plus pour avoir, pas de pouvoir, mais genre, comment ils appellent ça ? C'est de pouvoir politique, avoir plus de pouvoir politique, pour agrandir les villes et prendre les terrains qui sont aux alentours. Notre rue à tous, puisqu'il n'y a qu'une rue à notre hameau. Notre hameau, c'est la Turelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Du coup, nous y habitons. On est les Turiots. Notre village, c'est Vernoux la Selle sur Seine. On est donc des Turiots de Vernoux la Selle sur Seine, du sud 77. Dans le 77, qui n'est pas Paris. Là, c'est précis. Les Turiots, à part nous, sis à l'arrêt de car... C'est surtout des vieux, vieux qui bavent, vieux qui rôdent, vieux qui hantent, vieux qui rotent, vieux qui puent, vieille ombre aux fenêtres éclairées par les halos de télé, vieille carcasse qui traverse l'unique rue pour l'heure du thé, vieux divagues, vieux qui se perdent où leurs vieux pieds se prennent dans les fissures de la rue, ils trébuchent, vieille fissure qui court jusqu'à la terre, bonne terre grasse du 77. Parfois vieille, parfois jeune, dépend de comment le père Mandrin la retourne. Le père Mandrin, ici, c'est le seul vieux qui bosse encore. Et nous six, qui attendons chaque matin à l'arrêt de car, on est les jeunes. La jeunesse, il dit. L'avenir, les forces vivent pour protéger notre hameau, notre rue, notre terre. Le protéger de Paris, Paris, ça gagne du terrain, il dit. Ça bétonne et ça bétonne, et ça bétonnera jusqu'à nous. Bientôt bouffera notre rue, on n'y croit pas trop, au délire du père Mandrin. Et puis un jour, il y a eu le chemin en plus, il a été tracé juste derrière notre rue, alors on l'a appelé le chemin des derrières. Le début de la fin, a dit le père Mandrin, Paris qui rampe jusqu'à nous pour le grand guet-apens. 7-7, Marin Fouquet. Je pense que le politique oublie le petit peuple, tout bêtement en fait, qu'il habite en campagne ou sur Paris. Et je pense qu'on a une chance vraiment en campagne, c'est qu'on peut se débrouiller quoi. Pour certaines choses, on n'est pas dépendant. Pour certains, hein, nous on a la chance d'avoir un jardin. Pour certaines choses, on n'est pas dépendant de la grande surface quoi. Mais je pense que non, le politicien, ouais, gère son truc sur son trône, sur sa place chaude, hein, parce qu'ils sont bien au chaud. Puis ben non, ils s'en foutent du petit peuple en fait, qu'il soit sur Paris ou à Marseille ou en campagne. Alors nous, peut-être qu'on le ressent un petit peu plus parce qu'on est un peu plus, on est un peu plus loin de la capitale forcément. Je pense que le smicard est complètement oublié en fait. Il a le droit à rien. Dès que tu dépasses un petit peu le smic, t'es riche. J'ai pas de mots. Enfin, on s'en soucie même plus si tu veux. Enfin, on s'en soucie même plus parce qu'on s'y intéresse même pas. Moi, je sais que je vote pas, par exemple, parce que j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie parce que je suis bien. J'ai même envie d'être tranquille en fait. Je veux qu'on me foute la paix. Voilà. Je veux aller bosser le matin. Je vais essayer de pouvoir m'en sortir. Essayer de me faire 2-3 plaisirs. Et puis c'est tout quoi. Je suis déconnecté de ça en fait. Voilà. Mais même à la limite, mais qui nous laisse tranquille presque. C'est ce que je demande. Jean-Vincent Olyndre est politologue et vit à Auxerre depuis une quinzaine d'années. À chaque élection, il observe et commente les résultats dans l'Yonne pour la radio France Bleu Auxerre. Disons qu'on voit les choses autrement quand on habite à Auxerre. J'ai habité longtemps à Paris et je suis ensuite venu à Auxerre, et région que je ne connais pas du tout à la base. Et effectivement, les choses sont très différentes et une perception du monde qui n'est pas la même et qui, je dirais, depuis une quinzaine d'années, depuis que je suis là, l'écart entre Paris et Lyon s'est amplifié. Écart sans doute de revenus, c'est-à-dire que vous avez une concentration de cadres en région parisienne, ce qui va déterminer évidemment la manière dont les gens vivent et comment ils perçoivent le monde, alors que dans Lyon, on observe que la structure sociale est très différente, avec beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'ouvriers, beaucoup aussi de gens qui vivent de prestations sociales. Le revenu moyen dans Lyon, c'est autour de 15 000 euros par an. Parce que Lyon, comme d'autres départements, a vécu la désindustrialisation, avec des usines comme Fruhoff qui ont fermé, grosso modo, il y a une quinzaine d'années. Donc oui, compte tenu de ces circonstances, la vie est différente et la perception du monde est différente. Et notamment une perception de relégation qui est très forte, avec notamment des différences sociales entre des notables, comme il y en a dans beaucoup de villes moyennes, qui n'ont pas changé presque, on a l'impression, depuis le 19e siècle, des dynasties, des fonctionnements très traditionnels. Et à côté de ça, des classes populaires qui se sont retrouvées dans une situation de déclassement, soit parce qu'elles ont perdu leur travail, soit parce qu'elles se sont trouvées dans des situations de relégation sociale. Et avec des cohabitations dans les centres-villes, par exemple, de villes moyennes, qui sont très différents de ce qu'on peut observer à Paris, par exemple. Donc oui, tout ça a un effet sur la manière dont on voit le monde, la manière dont on vote, la manière dont on s'intéresse ou pas à la politique, et la manière dont on se sent intégré dans la société. Et c'est vrai que le sentiment que j'ai ressenti en allant dans Lyon, c'est que beaucoup de gens se sentent pas intégrés dans la société. Un sentiment qui ne compte pas, en fait, et qui n'existe pas, qui ne sont pas visibles. J'ai même pas besoin d'eux, en fait. Des hauts placés, on a besoin d'une hiérarchie. Hein. On a besoin qu'on nous gère, et encore, enfin, je sais pas. Non, je m'intéresse plus à tout ça, en fait. Je voudrais juste qu'on nous laisse un petit peu tranquille, qu'on arrête de nous en prendre autant, parce que ça commence à devenir compliqué, quand même. Bah, niveau financièrement, c'est compliqué. Hein. Faut mettre de l'essence dans la voiture. Enfin, tu vois bien, on est tous pareils. Mais ouais, je m'y intéresse vraiment pas, en fait. Je vote pas parce que bah, il me dégoûte. C'est un mot fort, hein, mais il me dégoûte complètement. Parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Tu es géré par des gens qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas le prix d'une baguette de pain. C'est-à-dire qu'ils ne se déplacent même pas pour acheter cette baguette de pain. C'est des gens qui sont payés, qui le font pour eux. Comment tu veux que quelqu'un soit connecté à la réalité en ayant un train de vie comme ça ? Ils ont beau faire des belles paroles, des beaux discours, des beaux programmes, qu'ils n'arrivent jamais à réaliser d'ailleurs. Bah ouais, c'est un dégoût que j'ai pour eux, vraiment, c'est un dégoût. C'est justement parce que l'emploi se raréfie qu'il faut en faire plus dans l'investissement collectif afin d'être recommandé pour un travail. C'est aussi parce que les services publics et différentes commodités disparaissent de ces régions rurales qu'il faut savoir s'entourer et s'entraider au quotidien. Ce qui reste, Benoît Coquart. C'est un dégoût et j'aimerais qu'ils me laissent tranquille en fait. J'aimerais qu'ils arrêtent de m'en prendre autant. Et justement, on est bien à la campagne parce que bah on est déconnecté de tout ça en fait. On arrive à se démerder par nos propres moyens ici, tu vois. Bah en faisant ton potager, en te débrouillant, en ayant une solidarité justement, comme tu me disais, entre voisins. Solidarité qu'il y a aussi en banlieue, parce que j'ai toujours connu ça aussi. Tu sais, mon père, il roulait pas sur l'or. Donc il coupait une tranche de jambon et puis on la mangeait avec ma sœur. Et ils nous regardaient manger. On faisait les fins de marché, on allait chercher les légumes. Donc il y a aussi moyen de te débrouiller en banlieue, mais c'est plus rude, je trouve. Là, on est quand même plus serein, en fait. Ouais, t'es tranquille. Hein. L'amitié et le savoir-vivre qui est accolé à la bande de potes représentent en effet un aspect central de la vie en milieu populaire rural. C'est là, et parfois seulement là, que les ouvriers et employés rencontrés disent se sentir autonomes et valorisés. C'est aussi bien souvent par ce réseau qu'ils obtiennent un travail et trouvent un compagnon. Et alors le réseau de copains, de connaissances, comment ils peuvent vous aider justement ? Enfin, comment tu comptes sur ce collectif, cette solidarité ? Comment ça se traduit ? En se donnant des coups de main mutuellement en fait. Tu vois, moi, ma maison, par exemple, pour citer que moi... J'avais aucune compétence en toiture, en couverture. On a des copains couvreurs, on s'est entraidés. Lui, il n'y connaît rien du tout en électricité. Donc du coup, j'ai fait son électricité. Tu vois, on arrive à s'entraider comme ça. Il y a beaucoup de rentraide. Ça a duré un mois, en plein été, et tous les copains, donc 5 ou 6 copains, se sont sacrifiés. Ont sacrifié leur mois de vacances pour passer leur été à 40 degrés sur le toit. Voilà. Donc ça, c'est des copains comme t'en trouves pas, en fait. Des copains qu'on a connus ici, et puis voilà, des ouvriers, pour la plupart. Des gens du coin, des gens du cru. Vraiment, eux, natifs de petits villages aux alentours. Voilà. Il y a beaucoup de partage, tu vois. On a une charmante voisine qui nous donne des légumes, des pommes, tu vois. Non, mais tout ça, ça remplit le congèle, tu vois, mine de rien. Et avec ça, grâce à ça, tu peux te passer pour certaines choses de ce foutu supermarché, quoi. Mais il faudrait qu'on le fasse beaucoup plus, tout le monde, tu vois. Qu'on arrive à boycotter ça, ce système. Parce que sans nous, ils sont rien. C'est nous qui leur apportons le pognon, qui faisons tourner tout ça. C'est le petit peuple, on est les petites fourmis. Preuve de la façon dont cette situation structurelle imprègne les consciences, j'ai pu entendre à maintes reprises les jeunes adultes ruraux faire référence à un « nous » qu'ils valorisent. La persistance d'un « nous » valorisé rappelle de cette manière que, par-delà les démantèlements des cadres collectifs, les individus en viennent à recréer des appartenances solidaires. T'as l'impression d'être en vacances quand tu sors du boulot. Toute l'année, t'es en vacances. Moi, j'ai ressenti ça. Je quittais à 17h, j'allais me baigner dans la cure en sortant du boulot. Et j'ai l'impression d'être en vacances H24, en fait. Moi, je suis heureux depuis que je suis ici. Une anecdote, je bossais comme un fou. Et je retapais la petite maison en bas du village quand je suis arrivé. Et je mangeais à même la conserve qui chauffait sur le poêle à bois. Donc un vrai crahuc. Et puis, j'avais pas de lit. Et ça, c'était l'été. Et j'avais un matelas qui était tout pourri. Et j'avais envie de m'endormir. J'étais crevé. Et je vais me balader. Je me pose sur un petit banc qui était au bord de la rivière. Et en fait, j'ai passé ma nuit sur le banc au bord de la rivière dans le village. Chose que je pense jamais j'aurais fait à Sarcelles. Parce que je me serais réveillé à poil ou autre. Et vraiment, comme je te le disais au début, t'as une liberté d'esprit ici, c'est fou, quoi. Avec Rudy et Cyrielle, Benoît Coquart et Jean-Vincent Olindre, et Grégoire, Gabin, Louis, Enzo, Baptiste, Jade, Raphaël, Nathan, Samuel, Julien, Corentin, Alexis, Antonin, Mathis et Mathéo du lycée agricole La Brosse près d'Auxerre. Merci à Clémence Michou, Brigitte Costaz et Clément pour le tour de voiture. Lecture, Marie-Hélène Lafont. Prise de son, Yann Frécy et Geoffrey Marianne. Mixage, Sébastien Royer. Documentation, Annelise Signoret. Attaché d'émission, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Le complexe rural. Deuxième épisode, la maison au village et les voisins parisiens. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaëlle Gillon.